بسم الله الرحمن الرحيم حم عين صاد. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, ayn, sin, qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. C'est ainsi que Dieu, le puissant, le sage, te fait des révélations, ô Mohammed, comme à ceux qui t'ont précédé. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il est le sublime, le très grand. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur sommet sous sa grandeur. Les anges célèbrent les louanges de leur Seigneur et implorent le pardon pour ceux qui sont sur terre. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Quant à ceux qui prennent des alliés en dehors de lui, Dieu les surveille. Et toi, tu n'as pas à répondre de leurs actes. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. C'est ainsi que nous t'avons révélé une écriture en arabe, afin que tu avertisses la mère des cités et ses alentours, et que tu mettes en garde contre le jour du rassemblement, au sujet duquel il n'y a point de doute. Un groupe sera alors au paradis, et un autre groupe dans le feu ardent. Si Dieu avait voulu, il aurait fait des hommes une seule communauté, mais il fait entrer qui il veut en sa miséricorde, et les injustes n'auront ni protection ni secours. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Ont-ils pris des alliés en dehors de lui? C'est Dieu seul qui est gardien et protecteur, et c'est lui qui fait revivre les morts et qui a le pouvoir sur toute chose. Quel que soit l'objet de vos divergences, la décision appartient à Dieu. Tel est mon Seigneur, en qui je place ma confiance et vers qui je me tourne. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses, issues de vous-même, et des bestiaux par couple. C'est ainsi qu'il vous multiplie. Rien ne lui ressemble. Il entend tout et voit tout. Il possède les clés des cieux et de la terre. Il dispense largement sa subsistance à qui il veut, et il la restreint à qui il veut. Il est certes omniscient. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Il a établi pour vous, en fait de religion, ce qu'il a commandé à Noé et ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons commandé à Abraham, à Moïse et à Jésus, à savoir accomplir la religion. Ne vous divisez pas à son sujet. Les associateurs ont jugé énorme ce à quoi tu les appelles. Dieu admet qui il veut au nombre de ses élus, et il guide vers lui celui qui s'incline. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, par esprit de rivalité entre eux. Et si ce n'avait été d'un décret préalable de ton Seigneur, dont le terme a déjà été fixé, leurs différends auraient déjà été tranchés entre eux. Ceux qui, après eux, ont hérité de l'écriture, sont vraiment dans un doute troublant à son sujet. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الله يجمع بيننا وإليه المصير. C'est à cela que tu dois appeler et reste sur le droit chemin tel qu'il t'a été commandé. Ne suis pas leur passion, dis-leur seulement. Je crois à toutes les écritures que Dieu a révélées et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Dieu est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres et à vous les vôtres. Aucun argument ne peut trancher entre nous. Dieu nous réunira tous, et c'est vers lui que nous retournerons. <t'en> يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Et ceux qui se disputent au sujet de Dieu, après qu'on lui a déjà répondu, leur argument n'a aucun poids auprès de leur Seigneur. Ils subissent sa colère. Ils recevront un terrible châtiment. C'est Dieu qui a révélé l'Écriture en toute vérité et qui a établi la justice. Qu'en savez-vous? L'heure est peut-être proche. Ceux qui n'y croient pas cherchent à la hâter, tandis que les croyants la redoutent et savent qu'il s'agit de la vérité. Et ceux qui se disputent à propos de l'heure sont dans un égarement profond. Allah latif bi'ibadihi yarzuq man yasha wa huwa al-qawiy al-aziz. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Dieu est bienveillant envers ses serviteurs, et il attribue ses biens à qui il veut. Et c'est lui le fort, le puissant. Quiconque désire récolter le fruit de ses actions dans l'au-delà, nous ferons croître pour lui sa récolte. Et quiconque ne désire récolter qu'en ce bas monde, nous lui accorderons une partie de sa récolte. Mais alors, il ne recevra rien dans l'au-delà. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Aurait-il des divinités associées à Dieu qui auraient rendu licite pour eux ce que Dieu ne permet pas dans la religion? Or, n'eût été d'un décret déjà prononcé, tout aurait déjà été jugé entre eux. Certes, il y aura pour les injustes un douloureux châtiment. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. Tu verras les injustes épouvantés à cause de ce qu'ils auront acquis, et le châtiment s'abattra quand même sur eux. Quant à ceux qui auront cru et fait le bien, ils seront dans les jardins fleuris du paradis et verront tous leurs vœux exaucés par leur Seigneur. Telle est la grâce reçue en récompense. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. « Voilà l'heureuse annonce que fait Dieu à ses serviteurs qui croient et font le bien. Dis aux gens, ô Mohammed, je ne vous demande pour cela aucun salaire, si ce n'est un certain égard pour ceux qui me sont proches. Et quiconque accomplit une bonne action, nous en accroîtrons la valeur. Certes, Dieu est pardonneur et prompt à apprécier les bonnes œuvres. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Ou bien, disent-ils, il a inventé un mensonge à propos de Dieu. Or, si Dieu avait voulu, il aurait scellé ton cœur. Par ses paroles, Dieu efface le mensonge et confirme la vérité. Et il connaît parfaitement le contenu des poitrines. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, qui pardonne les mauvaises actions et qui sait tout ce que vous faites. Il exauce ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Et accroît sa grâce envers eux. Quant aux mécréants, ils subiront un terrible châtiment. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Et si Dieu attribuait ses dons sans réserve à tous ses serviteurs, il transgresserait alors toutes les limites sur terre. Mais il dispense ce qu'il veut avec mesure. Il connaît parfaitement ses serviteurs et observe tout ce qu'ils font. Et c'est lui qui fait descendre la pluie salvatrice après qu'on en a désespéré, et répand sa miséricorde. Et c'est le protecteur, le digne de louange. Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants qui y a disséminé. Et il a le pouvoir de les rassembler tous, quand il le voudra. مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Quel que soit le malheur qui vous afflige, il est dû à ce que vos propres mains ont acquis. Dieu vous pardonne cependant un grand nombre de vos péchés. Vous ne pouvez échapper à la puissance de Dieu sur terre. En dehors de lui, vous n'avez aucun allié ni protecteur. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. Et parmi ces signes, il y a les vaisseaux paraissants, tels des montagnes sur la mer. S'il le veut, il apaise les vents afin que les vaisseaux demeurent immobiles à la surface de l'eau. Ce sont certainement là des preuves pour tout homme patient et reconnaissant. Ou alors, il les fait sombrer à cause de ce qu'ils ont acquis, bien qu'ils pardonnent beaucoup, afin que ceux qui tergiversent au sujet de nos signes sachent qu'ils ne peuvent aucunement nous échapper. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Tout ce qui vous a été donné comme bien n'est qu'une jouissance temporaire de la vie d'ici-bas. Mais ce que Dieu réserve dans l'au-delà est meilleur et plus durable pour ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui s'abstiennent de commettre les péchés les plus graves et de sombrer dans l'indécence, qui pardonnent, même lorsqu'ils sont en colère, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent assidûment leurs prières, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent des biens que nous leur avons attribués, et qui savent riposter aux attaques injustifiées. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. La sanction pour une offense reçue est une riposte équivalente, mais quiconque pardonne et se montre conciliant, son salaire relève de Dieu. Certes, il n'aime point les injustes. Quant à ceux qui ripostent, après avoir été lésés, aucun blâme ne leur sera fait. Ne sont à blâmer que ceux qui oppriment les gens et transgressent injustement les limites sur la terre. À ceux-là, un douloureux châtiment est réservé. Et en vérité, quiconque sait se montrer patient et pardonner fait preuve de résolution et de détermination dans ses affaires. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Quiconque Dieu égare ne trouvera aucun protecteur en dehors de lui, et tu verras les injustes s'écrier en voyant le châtiment. N'y aurait-il pas moyen de retourner sur terre? Et tu les verras lorsqu'ils seront exposés au feu, courbés sous l'humiliation et jetant des regards furtifs. Alors ceux qui auront cru diront: certes, les éternels perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé à la fois leur perte et celle de leur propre famille. Certes, les injustes subiront un tourment éternel. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. Et ils n'auront, en dehors de Dieu, ni alliés ni protecteurs. Celui que Dieu égare ne trouvera jamais la bonne voie. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Ma lakum min malja'in yawma idhin wa ma lakum min nakir. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne un jour dont Dieu ne reportera jamais le terme. Vous ne trouverez aucun refuge ce jour-là et vous ne pourrez plus nier. S'il se détourne, sache que nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde, tu n'es chargé que de transmettre. Lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde de notre part, il en exulte. Mais si un malheur l'atteint, à cause de ce que ses propres mains ont perpétré, il est alors très ingrat. Lillahi mulku s-samawati wal-ard, yakhluqu ma yasha'. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم. À Dieu appartient la royauté dans les cieux et sur la terre. Il crée ce qu'il veut, et il fait don de fille à qui il veut, et don de garçon à qui il veut. Ou alors, il donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et tout-puissant. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Il n'a été donné à aucun mortel que Dieu s'adresse à lui, autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou encore par l'envoi d'un messager, un ange, qui révèle avec sa permission ses volontés à l'homme. Certes, Dieu est le Très-Haut, le Sage. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre commandement. Tu n'avais aucune connaissance de l'écriture ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et certes, tu guides vraiment vers un droit chemin. Le chemin de Dieu, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. N'est-ce pas à Dieu seul que tout doit retourner ?